son ventre. En mirepoix je parlerai la main, en chanson pour faire con. Oui j'ai peut-être peur de ne pas être la pire salade. Je tremble à chaque fois que je parle en boule. Bonne paire de kilojoules. Comme mon dynamique forme, ne se cacherai jamais. Cursus scolaire très inquiétant. Bande de chiches stupéfiants. Quelle lumière de façon chacun sa destinée. Policier peut-être tu sauras. Que pourrais-je faire contre ça. Je suis peur d'être. Devant.